19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'archéologie des temps modernes et contemporains est encore une discipline balbutiante. Pourquoi fouiller des vestiges alors que d'abondantes archives historiques sont à notre disposition ? Parce que l'histoire ne raconte pas tout et surtout pas la matérialité des faits. Ainsi, l'archéologie de cette période est, par chance, depuis quelques années, de plus en plus prise en compte. Parallèlement, l'archéologie intervient de plus en plus dans de grands édifices patrimoine national, voire de l'humanité. C'est notamment le cas de quelques châteaux français, dont Chambord ou Versailles. Tout récemment, le château de Villers-Cotterêts, grand projet présidentiel, en vue de devenir la cité internationale de la langue française, vient d'être l'objet d'une importante fouille qui a notamment révélé le jeu de paume de François Ier. Curieusement, la fouille de grands châteaux des temps modernes met au jour, depuis quelques années, ces jeux de paume, ancêtres du tennis moderne. Il faut alors citer Versailles et désormais Blois, mais aussi quelques exemples en milieu urbain comme Rennes, Marseille et Chinon. Il va de soi que la fouille de ces jeux de paume touche tout à la fois à l'archéologie du sport comme à celle du jeu et par là même à l'archéologie du temps libre, sujet encore presque inconnu de la discipline. Mais revenons à l'actualité et à une grande ville royale, Didier Josset de l'INRAP, œuvre depuis plusieurs mois au cœur de Blois et vient justement de mettre au jour non pas un mais deux jeux de paume. Didier Josset, merci d'être en ligne et bonsoir. Bonsoir. Didier Josset, où se trouve votre fouille dans la ville de Blois ? La fouille se trouve proche du centre-ville, du centre historique en rive droite. On n'est pas très loin du château, une centaine de mètres au nord et à 500 mètres de la Loire et son franchissement du Moyen-Âge. Votre but, c'est d'étudier toutes les périodes que vous pourriez trouver dans une sorte de petite vallée qui s'appelle la Roue, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça, oui, oui. Effectivement, on se trouve en fond de vallée d'un ruisseau. La Roue est un ruisseau et on trouve par conséquent dans un environnement très spécifique avec une topographie très accentuée, plus ou moins accentuée, vis-à-vis duquel les aménagements du relief sont attendus. Et vous avez des stratigraphies, des épaisseurs absolument gigantesques. 5 mètres, c'est à peu près ça, non ? Vous avez même des périodes anciennes, du coup. Oui, oui, très très importante. 5 mètres, c'est un minimum, pour l'instant qui se confirme, d'après les sondages profonds que l'on a réalisés. C'est ça, donc on s'attend à avoir des occupations très anciennes, peut-être préhistoriques. Pour l'instant, on n'en a pas vu, on n'en a rien vu. Alors sur ce chantier appelé l'îlot Saint-Vincent, on va s'intéresser aux périodes un petit peu récentes. Commençons peut-être par le Moyen-Âge qui est attesté. Vous avez, semble-t-il, des dépotoirs ? Oui, nous avons des dépotoirs et ça, c'était vraiment la grande surprise. On s'attendait à avoir une occupation du Moyen-Âge, carolingienne, mais on en a plus qu'attendu, si je puis dire. Donc, consécutivement à une occupation erratique d'époque antique, nous avons des dépotoirs, mais surtout des silos. Et d'autres structures d'habitat, peut-être des fonds de cabane. Alors, les découvertes de cette semaine, c'est tout récent, conduisent à penser finalement que l'habitat s'étend même sur toute la bordure occidentale de la voie qui structure notre site. Ces dépotoirs, ils sont médiévaux, mais de quelle époque ? Carolingiens. Ils sont carolingiens des 9e, 10e siècle. Et ils sont très très intéressants pour nous, puisque il semble confirmé par l'ampleur de l'occupation qu'on s'attend à fouiller. Donc il résonne bien avec la création de cet établissement, avec ce que l'on connaît de la Renaissance urbaine de la ville pour cette période-ci. Justement, à cette époque médiévale, sommes-nous déjà intramuros ou tout au contraire en périphérie de la ville ? Nous sommes en périphérie de la ville. En périphérie, sur les marges urbaines, et ce n'est qu'à partir du XIIIe, XIVe siècle qu'un faubourg se mettra en place et que progressivement il prendra la forme, finalement, une forme proprement urbaine avec un parcellaire lanieré à l'image de ceux qu'on trouve en ville, dans les villes anciennes, et ce, à partir du début du XVIe siècle. Les 15e, 16e siècles constituent une période charnière de l'histoire de la ville ? Oui, en effet. S'ouvre une période de fort développement, et on la doit à l'avènement de Louis XII en 1498. Louis XII qui est natif de la ville, et qui, ville de Blois, qui devient ville-résidence, véritablement, du souverain. Du coup, qui dit souverain dit cour, et la cour, ce sont beaucoup de personnes qui chercheront à se loger et qui seront amenées à bâtir en ville et à l'extérieur leur hôtel particulier. Justement, on a de nombreux hôtels particuliers. Comment sont-ils ? Est-ce que vous en avez donc sur votre fouille ? Vous en avez même fouillé ? Nous n'en avons pas fouillé. On en a fouillé dans d'autres secteurs, en marges urbaines, mais en rive gauche, il y a quelques années. Mais là, sur le site, nous n'en aurons pas. Pourtant, on en connaît un qui se trouve en limite d'emprise. Mais le bâtiment, qui est un simple logis, qui est documenté par photographie, se trouve sous une rue qui borde l'emprise au nord. Il s'agit de logis assez communs, de logis simples, à deux niveaux, avec des fenêtres meneaux, des moulurations et sculptures au goût du moment. Et on peut s'attendre, en revanche, à fouiller un ou deux puits, des latrines, éventuellement un pigeonnier ou des dépendances qui pourraient être réparties aux abords de ce logis inaccessible. Alors bien sûr, les puits, les latrines, c'est quelque chose de capital pour les archéologues. On y trouve plein de choses. On voit aussi l'apparition des jardins bien sûr royaux. Vous en avez sur votre fouille, et comment peut-on se les imaginer ? On en a sur notre fouille, effectivement, mais on en a sur une petite emprise de la fouille seulement, pour ce qui est il s'agit de la partie occidentale qui se trouve finalement à l'ouest de la rue du Pont du Gast, qui elle est implantée au centre de notre fouille. Ce que l'on s'attend et ce que l'on a fouillé finalement, en lien avec ce jardin, c'est un jeu de paume et un espace de jardin probablement à l'arrière de ce jeu de paume. Donc la découverte majeure de votre site, c'est bien sûr, sans conteste, celle d'un jeu de paume royal. Comment se présente-t-il ? En effet, un jeu de paume royal, c'est un jeu de courte paume qui a été fouillé. Il s'agit d'un vaste édifice à plan rectangulaire qui finalement a été plutôt bien conservé. Il bordait la rue du Pont du Gast en façade orientale. Il s'agit de sa façade principale, et à l'arrière, un jardin occupait la bande de terrain qui se situait entre le bâtiment et la base du versant du coteau. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous auriez deux états, donc une réfection, un réménagement donc du premier jeu de paume pour le transformer donc en un jeu de paume peut-être un peu plus grand. Tout à fait. On a un jeu de paume avec deux états particulièrement bien lisibles et je pense. Bien compris. La première salle, édifiée au début du XVIe siècle, est équipée d'une aire de jeu de 6 mètres de large et 26 mètres de longueur. Cette aire de jeu est couverte de carreaux de terre cuite, de tomettes, et elle est bordée d'une galerie le long de sa façade orientale, c'est-à-dire le long de la rue. Et la seconde salle découle de l'agrandissement de cet édifice, avec une aire de jeu nettement plus grande, mesurant entre 8 et 9 mètres de large et 30 mètres de longueur. Vous avez encore les murs ? On a les murs. On a les murs plus ou moins bien conservés, puisque fortement récupérés à certaines périodes. Donc l'espace est très bien circonscrit. Les sols des aires de jeu également, ainsi que les galeries principales, et ainsi que la galerie principale. On dit des gens généralement que les murs étaient peints en noir pour mieux faire voir la balle. Vous avez ces murs noirs ? Nous n'avons pas ces murs noirs, mais nous avons effectivement découvert des restes d'enduit noirs. Donc ça, c'est quelque chose d'atypique, donc que l'on met inévitablement en lien avec ces jeux de paume. C'est le seul indice effectivement de peinture noire, quelques indices éparpillés par-ci par-là que l'on a trouvé. Alors c'est un jeu assez difficile, hein, bien sûr, avec plein d'astuces, plein de murs pentus, de systèmes pour faire des rebonds tout à fait imprécis, c'est bien ça ? J'imagine, oui. Je ne suis pas spécialiste du jeu de paume, je tiens à le dire. Toujours est-il qu'ici, pour parler du deuxième état, de l'état principal, l'aire de jeu est bordée de trois galeries, et non pas une comme le premier état du jeu de paume. Et ces trois galeries bordent le côté principal et ainsi que les petits côtés. Et à l'opposé, dans le mur, à l'opposé de la galerie principale, qu'a-t-on trouvé ? Les vestiges du tambour. Il s'agit d'un élément architectural très caractéristique des jeux de paume qui est un biais dans la maçonnerie et qui marque un décrochement qui, je l'imagine, complexifie le jeu en favorisant les rebonds. Alors vous avez aussi des latrines, ce qui est une curiosité, j'imagine, pour les spectateurs. Vous les avez fouillées ? Nous avons fouillé les latrines. Et, bon, naturellement, nous avons déjà découvert en préalable, et ça a été une véritable surprise que de découvrir ces latrines à l'intérieur même de la galerie principale. Et ce, pour les deux états des jeux de paume fouillés. Ces latrines, nous les avons donc fouillées, et malheureusement, elles ont été purgées de leur contenu, donc on n'en a pas pu en faire notre délice, si je puis dire, notre délice d'archéologue. On sait à quelle époque ces deux jeux de paume ont été détruits ? La reconstruction du deuxième état est datée... C'est une datation établie à la fouille, hein, dans la seconde moitié du XVIe siècle, voire le dernier quart. Quant à la destruction du dernier état, je ne saurais dire une date précise dans le courant du XVIIe, ça c'est assez simple à dire, peut-être vers le milieu du XVIIe siècle. On ne peut pas s'avancer pour l'instant. En tout cas, quel est le devenir de ces jeux de paume que vous fouillez aujourd'hui ? Le devenir, malheureusement, il est d'être démonté, d'être méthodiquement démonté pour aller y fouiller ce qui a précédé à ces jeux de paume. Et or, on sait qu'il y a énormément de choses dessous. On en a parlé, un établissement carolingien, mais également des habitats médiévaux du XVe siècle, par exemple. Alors en tout cas, le public pourra visiter très probablement cette fouille durant les journées européennes de l'archéologie ? Tout à fait, on organisera des visites portes ouvertes les 18 et 19 juin prochains. Et on incite naturellement les Blésois et tout le monde, tous les gens intéressés par l'archéologie à nous rejoindre pour... et on se fera un véritable plaisir à les suivre et à les accompagner et à leur faire découvrir nos dernières trouvailles. Didier Chasset, merci beaucoup donc pour cette découverte à Blois. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Comme je l'évoquais, plusieurs jeux de paume sont désormais fouillés en France. En 2007, je m'étais rendu à Versailles pour voir le tout premier, celui de Louis XIII, et rencontrer, et bien sûr, Jean-Yves Dufour, archéologue de l'INRAP, Yves Carlier, conservateur au château de Fontainebleau, et Jean-Claude Le Guillou, historien. Sur le jeu de paume de Louis XIII, nous savions que Louis XIII l'avait fait construire quelques années après la construction de son château. Vous savez que Louis XIII a fait construire un pavillon à Versailles sur une colline quasiment nue en 1623-24. Et qu'en 1629, comme il commence à se plaire à Versailles, il demande la construction d'un jeu de paume à proximité du château. Le jeu de paume se trouve à peu près à 150 mètres de la cour du château. Ce jeu de paume... qui consiste en un long bâtiment d'à peu près 35 mètres de long sur 15 de large, est construit pendant le printemps de l'année 1630. Il est accompagné d'une maison pour le paumier. Ce jeu de paume, c'est une construction très simple. Ça ressemble à vrai dire un peu à une grange. C'est un édifice rectangulaire dont la hauteur est à peu près de 10 mètres, plus la charpente qui est un peu comme un toit de halle ou de grange. C'est un édifice très très simple, c'est une aire de jeu couverte. Yves Carlier, le jeu de paume, un jeu très populaire et visiblement aussi très ancien. Alors, très populaire, oui, jusqu'à peu près au moment où ce jeu de paume de Versailles a été construit. 1630, 1650, c'est à peu près ce le début de la fin de la pratique intensive de la paume en France. Alors, grosso modo, il y avait des joueurs qui étaient l'un en face de l'autre, en extérieur, dans les villes ou dans les campagnes. Et avec le développement de l'urbanisme, 14e et surtout 15e siècle, ces joueurs, notamment ceux qui jouaient à l'intérieur des villes, gênaient en quelque sorte la vie urbaine. Et on a eu l'idée de les mettre à l'intérieur, entre quatre murs, ce qui a engendré le jeu de courte paume, qui est le jeu pratiqué dans la salle que nous avons à nos pieds, alors que les joueurs qui ont continué à jouer à l'extérieur, eux, ont continué la pratique du jeu de longue paume, qui a évolué lui-même à sa manière. Né au XIIe siècle, au XVIIe, ce jeu est visiblement très populaire. Alors, l'âge d'or du jeu de paume est à la Renaissance, de François Ier à Henri IV en gros, et Louis XIII a continué les habitudes de son père, il a énormément joué à la paume, et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les années 1530-1650, peut-être 1560, ont commencé à sonner le déclin de cette pratique dans tout le territoire français. On dit que Louis XIII aurait été bon joueur. Il a été bon joueur, on a le journal de Hérouard, pour ça son médecin, j'ai relevé à peu près 800 parties de paume pour les parties conservées du journal de Hérouard. Il avait une réputation de bon joueur, comme Louis XIV du reste. Il y a une plaisanterie où à un moment il avait raté son coup, alors c'était pas exactement à la paume mais c'était au gros volant qui est une variante d'un jeu avec une raquette, et un de ses courtisans a dit comment peut-on l'appeler Louis le Juste. Mais néanmoins, c'était un bon joueur. Quelles sont les règles exactes de ce jeu ? Alors, la base, c'est que vous êtes face à face. Vous avez un filet qui sépare, donc c'est l'ancêtre du tennis. Du reste, si je peux me permettre, les Anglais appellent le jeu de paume le real tennis. Excusez-moi mon accent, mais c'est le vrai tennis. Alors que le tennis tel que nous l'appelons, eux, ils l'appellent le tennis en gazon, le lawn tennis. Donc, on est face à face, on a un filet se séparant. On joue avec à la fois l'aire de jeu, c'est-à-dire le sol, qui a beaucoup d'importance. Et les découvertes faites des fouilles, là, sont très passionnantes pour un joueur de paume. Et on joue à la fois avec les murs de ce jeu et ainsi avec les toits des galeries. Car trois des côtés, les deux petits et un des grands côtés, possèdent une galerie dans lesquelles se tiennent les spectateurs. Et ces galeries ont un toit en pente et la balle peut rebondir sur ce toit. Et donc, il n'y a qu'un seul rebond ou deux, ça dépend des cas, au sol, alors qu'il y a autant de rebonds que possible sur les murs ou sur le toit des galeries. C'est un espace en général dallé qui possède des mesures extrêmement strictes. Alors aujourd'hui, les associations de joueurs professionnels aiment jouer dans des lieux qui soient rigoureusement les mêmes où qu'ils aillent. Pour la période de l'Ancien Régime qui est la nôtre, il n'y a rien de codifié. D'un côté, notamment dans les villes, on dispose d'un espace urbain préexistant, donc il faut que le jeu de paume se glisse à l'intérieur, alors que dans d'autres lieux, notamment les dépendances des résidences royales, les espaces sont beaucoup plus grands et il n'y a pas vraiment une règle codifiée. Un des plus grands jeux de paume qui ait existé était le jeu de paume du Louvre, le jeu de paume de Blois, qui faisait cinquantaine de mètres de long. Le jeu de paume de Fontainebleau est actuellement le plus long au monde, il fait 34 mètres si mes souvenirs sont bons, celui-ci fait 30 mètres, donc vous voyez, on a des variantes. À Paris, au cours du XVIe, XVIIe siècle, il y aurait eu beaucoup de jeux de paume. D'après un ambassadeur italien à la cour de France, il y avait à peu près 200 jeux de paume intramuros dans Paris. Le terme jeu de paume est peut-être à englober à la fois jeu de courte paume et jeu de longue paume, c'est-à-dire des endroits où on pouvait s'adonner à cette activité sportive. Ce qui n'est pas étonnant, il y a certains plans parisiens, notamment un plan même un peu plus tardif, début XVIIIe siècle, représentant la rue de Seine, où vous avez 6 jeux de paume alignés rue de Seine. Au XVIIIe siècle, ce jeu périclite doucement. Quelles en sont les réelles causes ? Alors, les causes réelles, je ne les connais pas, pour être honnête. Le déclin commence dans les années 1660. On a accusé Louis XIV d'être le responsable de ce déclin parce qu'il aurait préféré le billard. Je pense que c'est allé un peu vite en besogne. Louis XIV a beaucoup joué à la paume. J'ai retrouvé dans le journal de son médecin que c'était suite à une douleur au bras qu'il a dû abandonner les parties de paume. Et ce qu'il s'est passé, c'est que c'est une activité qui est tombée en désuétude, tout simplement. Et on arrive au point que de 200 jeux de paume dans Paris sous la règne d'Henri IV, au fin XVIe siècle, on ne retrouve que 12 jeux de paume en activité à Paris à la veille de la Révolution française. Aujourd'hui, combien de jeux de paume sont en activité en France ? En France, ne sont plus en activité que 3 jeux de paume, un à Paris, il y avait 2 jeux de paume, un a été transformé en terrain de squash, donc il n'en reste plus qu'un, il y en a un à Bordeaux, à Mérignac pour être exact, et le plus important de tous c'est celui du château de Fontainebleau pour des questions de dimension, et puis c'est une des plus belles salles, certes je travaille à Fontainebleau, mais c'est l'impression que donnent les professionnels lors de tenues de partie de professionnels à Fontainebleau, ils disent c'est la plus belle salle qui existe. Celui de Versailles qui est toujours en état, celui bien sûr du serment, du fameux tableau de David, date de quelle époque exactement ? Celui auquel vous faites allusion date de la fin du règne de Louis XIV. Il a été construit à la demande de Pommier. Ce sont des fonds privés. Il a toujours été de résidence particulière dans laquelle certains membres de la cour pouvaient aller jouer. Et il a été réquisitionné donc, par le tiers-état pour devenir ce jeu de paume. Donc il est encore visible et visitable le cas échéant. Nous devons au jeu de paume beaucoup de choses, être paumé bien sûr, épater la galerie et aller à la chasse pour mieux perdre sa place, tout ça est lié au jeu de paume. Ce sont des expressions populaires, exactement, issues du jeu de paume. Et aujourd'hui, on a complètement oublié qu'elles proviennent de cette activité. Et le fait qu'elles soient passées dans le langage, disons, populaire, montre que le jeu de paume était quelque chose d'intégré parfaitement à la vie de cour. Il y a 2 soirs, un ami m'a lu un extrait de Descartes, et dans lequel Descartes parle de manière très allusive de jeu de paume, mais quand on connaît les règles du jeu de paume, on comprend le texte de Descartes, ce qui était complètement passé, oublié, jusqu'au moment où il a relu, mais lui-même étant également joueur de paume. Donc beaucoup d'expressions, vous avez cité qui va à la chasse faire sa place, épater la galerie, rester sur le carreau, tomber à pic, et j'en oublie bien sûr, sont issus de ce jeu de paume. Le maître Pommier est un personnage absolument clé pour ce jeu de paume. Quel est réellement son rôle ? Alors, le maître Pommier est le tenancier, c'est un peu le cafetier du jeu de paume, c'est le tenancier. C'est lui qui fournit les raquettes, c'est lui qui fournit les habits. Il n'y avait pas encore de tenue spécifique au sport dans les garde-robes des seigneurs. Donc c'est lui qui fournit les habits, les chaussons, les balles et les raquettes. C'est lui éventuellement qui arbitre les parties. Et c'est lui également qui organise les démonstrations de paume, notamment à la vie de cour, lors de déplacements de la cour, que ce soit à Versailles, Compiègne ou dans d'autres endroits. Donc c'est l'élément central. C'est lui qui tient tout, c'est lui qui joue, et c'est lui qui en même temps fait que le jeu puisse se dérouler. Jacques Dufour, vous avez retrouvé la maison de ce maître Pommier ? Oui, alors ça c'est pas très difficile, parce qu'on sait par le devis étudié par M. Le Guillou que la maison était accolée au jeu de paume. Et on a un bon gros mur qui sépare le jeu de paume de vestiges d'habitation. On est à peu près certain d'avoir retrouvé la maison du pommier. On est en train de la fouiller. On a notamment la cave, au fond de laquelle pourrait être un puits. Il faut savoir qu'on a également retrouvé de part et d'autre, dans l'angle nord-est du jeu de paume, on est en train de fouiller une latrine qui semble directement accolée au bâtiment. Mais là encore, le fond n'est pas atteint. Et sinon, on a également exhumé et fouillé des vestiges de sol du XVIIe siècle qui auraient pu faire partie de ces innombrables salles accolées aux jeux de paume. Donc on parlait tout à l'heure des salles de billard ou des salles de repos. Mais malheureusement, la salle que nous avons fouillée était tronquée sur 2 côtés par les galeries techniques construites postérieurement par Jules Hardouin-Mansart. Donc il nous manque un petit peu les tenants et les aboutissants. Et le troisième côté a été, on va dire, percuté par mon sondage. Donc on a bien une salle accolée au jeu de paume et à la maison du paumier, mais pour l'instant on est un petit peu embêté quant à la détermination de sa fonction précise. Mais on ne désespère pas de trouver encore des vestiges vraiment emblématiques de la vie du paumier. On cherche toujours des balles, on va peut-être y arriver au fond des latrines. Pour l'instant c'est en suspens. Ça, les balles, Yves Carlier, c'est absolument quelque chose de capital. Pour vous, ce sont des balles produites visiblement aussi par le maître Pommier. Exactement, le Pommier produisait les raquettes, il les fabriquait lui-même. Il y avait des raquetiers qui étaient professionnels, donc il les donnait au maître Pommier qui les cordait. On a la chance de conserver une raquette ancienne que l'on date du XVIIe siècle, avec tout son cordage. Son manche est un peu cassé, malheureusement. Enfin, c'est déjà miraculeux. Et j'aimerais bien retrouver une balle correspondante. Alors, même si Jean-Yves Dufour retrouve une balle, je crains qu'elle ne réponde exactement à mes attentes. C'est-à-dire, je voudrais voir d'abord son poids, sa dimension. Donc, là, impossible, a priori, le poids à cause de la déshydratation probable ou la réhydratation probable de certains des matériaux qui la constituaient. Et en même temps, j'aurais voulu surtout savoir son rebond. C'est-à-dire, ce que je ne sais pas, c'est que par rapport à la raquette qui est encore existante, quelle pouvait être la dureté de la balle, ses capacités de rebond, et savoir si le jeu a évolué, notamment la forme des raquettes a évolué entre les raquettes du XVIIe siècle et les raquettes du XVIIIe siècle, et la forme des raquettes d'aujourd'hui, c'est la forme des raquettes du XVIIIe siècle. Si cette raquette a évolué à cause de l'évolution du matériel, et notamment les balles, ou si c'est parce que on a trouvé une autre manière de fabriquer les raquettes. Ceci impliquerait qu'on pourrait imaginer la rapidité du jeu de paume. Il ne faut pas oublier que c'était une grande pièce. Les murs étaient peints en noir parce que les balles étaient blanchies dans un panier avec de la craie. Les murs étaient peints en noir. Il n'y avait pas d'éclairage, sauf l'éclairage dû au haut fenestrage sur les deux grands murs latéraux. Donc je ne sais pas ce que l'on pouvait voir. Donc si la balle allait très vite, pouvait-on voir quelque chose? Donc pouvait-elle rebondir rapidement, fortement? Ça, j'aimerais bien un jour pouvoir le découvrir. Mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse à cette question. Toujours est-il, Jean-Yves Dufour, qu'il s'agit aujourd'hui du premier jeu de paume fouillé en France? Oui, assurément. Alors c'est un petit peu le drame du déclin du jeu de paume, c'est que finalement, comme il n'y en a plus de visibles, à part en 3 ou 4 salles en France, rares sont ceux qui savent à quoi ça ressemble, y compris chez les archéologues. Donc je suis assez content à Versailles d'avoir bénéficié de circonstances exceptionnelles, donc du travail de Jean-Claude Le Guillou, qui localisait globalement le jeu de paume quelque part dans la cour du Grand Commun. Donc ça a été décisif, je dirais, pour l'interprétation. Vous avez aussi testé la cour royale, la fameuse cour devant donc le château de Versailles, pour retrouver là aussi des vestiges de Louis XIII. Oui, alors là c'était inespéré, puisque nous avions une tranchée imposée par l'emplacement de la galerie technique réalisée en 2006. Donc tranchée imposée, donc pour le coup on n'avait pas pu préparer nous scientifiquement l'opération, et on est tombé par miracle pile poil dans l'alignement de l'enceinte qui entourait le petit château Louis XIII, donc au début du 17e, et nous avons mis au jour deux murs parallèles sur l'un desquels étaient adossées deux tours en semi hors œuvre, donc à moitié échancrées, et à l'intérieur de cette enceinte nous avons juste appréhendé l'extrémité des communs du château. Jean-Yves Le Guillou, c'est l'histoire du château, mais de Louis XIII, qui aujourd'hui ressurgit, probablement occulté par Louis XIV et Marie-Antoinette. Le château de Louis XIII ressurgit du sol, c'est certain. Le château lui-même, on le connaissait bien parce que le château actuel en conserve encore des vestiges substantiels. Mais ce qui a été révélé par les fouilles de la cour royale, ce sont les communs, c'est-à-dire les écuries et les cuisines, et le mur de clôture dont Jean-Yves Dufour parlait tout de suite, ainsi que les deux tours rondes du mur d'enceinte. Parce que les communs de Louis XIII, bien sûr, étaient à l'extérieur du château, comme ceux de Louis XIV, ceux du château de Louis XIV. Mais les communs, le château de Louis XIII étant très petit, les communs étaient plus proches du château. Et c'est l'agrandissement du château qui a fait que Louis XIV a transporté les communs dans un lieu plus éloigné. Carbon 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bastien Varigo, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.